Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition de Zone Mag. Ça va bien, Karine? Oui, et toi, Steve? Oui, ça va très bien, merci. Grosse fin de semaine. Oui, puis finalement, enfin, il fait beau. Oui! On va pouvoir en profiter! Il annonce ça toute la semaine en plus. On se croise les mains que ça change. On va avoir l'autre à 5 heures. Oui! Je vais commencer tout de suite avec un artiste, un bluesman canadien qui est David Gogo, qui sortait son album Come On Down. David Gogo, c'est lui qui avait créé le band de, j'essaie de me souvenir, c'est Persuador, ou je voudrais pas trop m'avancer, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, ce qu'il fait, c'est évidemment du blues. C'est vraiment excellent. Si vous aimez le blues, là, moi, j'ai écouté l'album, j'ai écouté deux puis trois fois parce que j'aimais vraiment ça. Là, est-ce que ça chante ou c'est seulement que instrumental? Non, il y a du chant, oui, il y a du chant également. Puis il est pas seul sur. C'est un album solo, mais tu sais, il y a du chant aussi. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à du blues. Je peux pas dire autrement que ça, là. C'est ça, ça va vraiment chercher dans ces cordes-là. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être écouté aussi. Moi, je crois que j'ai bien aimé, même si j'écoute pas énormément de blues, c'est que c'est un style de musique que j'aime bien une fois de temps en temps, mais celui-là s'écoute très très bien. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, on vous fait écouter quelques extraits de David Gogo avec Come On Down. Dust is rising, and the sky won't weep, and the fallow fields are as wide as they're deep. You can't call it a cage if you can't see the edges. Thank you. semaine, il y a la compilation Country Heat Bonfire qui est maintenant disponible avec une sélection d'artistes particulièrement intéressante qui inclut Alan Jackson, Blake Shelton, Brad Paisley, Zac Brown Band, Kenny Chesney, Hunter Hayes, Tim McGraw et plusieurs autres. C'est que des gros noms. Ouais, exactement. Au total, 16 chansons, des plus variées l'une que les autres. On y retrouve aussi plusieurs chansons rythmées et quelques ballades. Donc, qui va aller compléter l'album entièrement. Une compilation aussi, pour ma part, à découvrir parce que c'est un excellent album. Honnêtement, il y a quand même beaucoup d'artistes très connus, d'autres qu'on connaît un peu moins, mais qui sont... Ouais, puis ça doit faire quand même assez varié aussi, même si ça reste comme général country. Ouais. Étant donné que c'est plusieurs artistes différents, ça donne une sonorité. Ils ont des styles, c'est ça, ouais. Exactement. Non, pour ma part, en tout cas, ça va faire partie de ma sélection personnelle. Puis avec le beau temps, justement, ça va être très apprécié. En tout cas, voici quelques extraits de la compilation Country Heat Bonfire qui vous convaincront peut-être de vous le procurer. A full moon shining bright, edge of the water, we were feeling all right. Back down a country road, the girls are always hot and the beer is ice cold. Cadillac, horns on the hood, my buddy Frankie had his dad hook him up good. Girls smile when we roll by, they hop in the back and we cruise to the riverside. Whoa. Never gonna grow up. Whoa. Never gonna slow down. That clock dust till dawn, counting the days till Friday night. That's when all the conditions are right for a good time. I need a good time. Yeah, I've been working all week and I'm tired. I don't wanna sleep and I wanna have fun. It's time for a good time. I cash my check, clean my truck, put on my hat, forgot about work. Sun going down, head across town, pick up my baby and turn it. Is it Friday yet? Is the weekend here? Is it time for me to kick things off with an ice cold beer? Been working so dang hard that I forget. Is it Friday yet? 8 o'clock on Monday morning, all I think about is when the day will end. Gotta make a living somehow, that's the way it is for me and all my friends. We watch the hours pass, every day I ask, is it? Yeah. Summer sundress hotter than the heat in July. With her windblown hair, it just wasn't fair the way she was blowing my mind. Have you ever noticed every hurricane gets its name from a girl like this? She's a cat five kind, keeps you up at night, hanging on to the end of a kiss. She's a beautiful miss. Labor Day weekend, I was 17. I bought a Coke and some gasoline, and I drove out to the county fair. When I saw her for the first time, she was standing there in the ticket line. And it all started right then and there. Oh, sailor sky made a perfect sunset, and that's a day I'll never forget. I had a barbecue stain on my white t-shirt. She was killing me in that mini. On avait aussi Primus qui ressortait leur album Sailing the Sea of Cheese, qui est un album paru en 91, si je me souviens bien, qui ressortait en édition de luxe. Très intéressant pour ceux qui connaissent Primus ou ceux qui savent pas, si je vous avez déjà entendu la chanson thème de South Park, c'est Primus qui fait la chanson thème de South Park, donc ça vous donne peut-être un petit style. Pour ma part, c'est c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à écouter. Ça va dans le style de Primus, c'est décousu, on a déjà parlé du style musical madcore. Ben celui-là me ferait peut-être un peu penser dans certaines chansons à du mad rock, tu sais, qui est, c'est pas du gros métal là, mais c'est il y a des plusieurs beats différents dans chaque tune. Beaucoup de variations. Ouais, c'est ça, beaucoup de variations dans des chansons, fait que ça fait un peu penser à ça, mais c'est le style de Primus. OK. Puis si jamais il y en avait qui avaient été à la Fée athée qu'il y avait eu au souterrain, au parking souterrain, le groupe Bonnie Suba, si vous avez écouté, si vous êtes allé au show, cet album-là me faisait penser un peu à ce que Bonnie Suba faisait, donc ça peut vous donner une idée de dans quel genre. La sonorité un peu. Là. Oui, j'ai bien aimé écouter cet album-là, puis ça me faisait tout le temps penser à South Park. Je me remémorais, puis là je me disais, ah oui, ça c'est vraiment ça. Donc, on vous fait écouter quelques extraits ressortis de l'album de Primus, Sailing the Sea of Cheese. Checkered flags, but it never did come in last. Jerry was a race. World War meal ago. Said Tommy the Cat as he reeled back clear out of a foreign matter, made this little toy into his mighty throat. Many a fat alley ran met his demise while starting point blank on the covers. Pour les autres nouveautés musicales de cette semaine, il y avait Big Star qui sortait l'album Nothing Can Hurt Me dans le pop rock. Il y avait aussi Emerson Lake and Palmer avec l'album Tarkus, aussi dans le pop rock. Du côté francophone, on retrouvait Elodie Fridge avec Amuse-Bouche. On retrouvait aussi Jennifer avec l'album Ma Déclaration. Du côté R&B, on retrouve Joe qui sort l'album Double Back Evolution of R&B. Je vais y aller, moi, d'une mention spéciale pour Andrew Stockdale qui sort son album Keep Moving. Pour ceux qui savent plus ou moins qui est Andrew Stockdale, c'est le chanteur de Wolfmother. Donc, si vous connaissez Wolfmother et que vous aimez ça, c'est un album à surveiller. Parfait, ça, je l'avais oublié. Dans les côtés Blu-ray DVD, on avait le film Upside Down ou Un monde à l'envers qui sortait. C'est un film de filles, en partant. J'ai fait plaisir à ma blonde, j'ai écouté le film. En gros, là, je vous dirais que c'est l'histoire un peu de qu'on a déjà vu, là, Roméo et Juliette ou Titanic ou Pocahontas à la limite. Là, tu sais, que c'est vraiment un amour qui est dans deux mondes différents, deux personnes qui sont dans des sphères différentes, dans des classes sociales différentes. C'est exactement le même principe avec celui-là, sauf que Un monde à l'envers, ça se passe dans un autre univers, dans une autre planète, où est-ce que il y a deux gravités qui existent sur la planète. C'est comme s'il y avait deux mondes. Il y a un ciel, le ciel, ouais. Ouais, c'est pas parallèle, mais le ciel, il est comme entre les deux, puis t'as un monde en haut puis un monde en bas. Okay. Donc, t'as les personnes qui vivent en bas ont leur gravité d'en bas, puis les personnes qui vivent en haut ont leur gravité d'en haut, qui sont comme inversées tout le temps. Puis, ils réussissent. Il y a une tour dans la ville qui est... qui fait communiquer les autres. Qui fait communiquer les deux, c'est la seule. Puis, cette tour-là a été faite pour exploiter le pétrole d'en bas, pour donner de l'électricité à ceux d'en haut, pour leur vendre cher à ceux d'en bas. Dans le fond, c'est en haut qui profite tout le temps. Hein. OK. C'est le, vous l'aurez deviné, les personnes qui vivent en haut, c'est pas la classe moyenne. Les plus enrichis. Les riches, puis en bas, c'est les pauvres. Puis c'est vraiment là, très, très, très pauvre. Ah oui? Oui. Puis on fait la connaissance d'Adam. Adam, qui fait la rencontre d'Éden. Ça va bien? Et l'Éden, oui. Elle, qui est une fille qui vit en haut. Et puis, ils se rencontrent à un genre de sommet, à chacun leur sommet d'une montagne, mais qui a à peu près peut-être 20-30 pieds qui séparent un et l'autre. Fait qu'ils se parlent comme ça au début, puis finalement, ben ils tombent amoureux. Puis, et il arrive un incident, à un moment donné, ils sont pourchassés par des bandits parce qu'il y a eu un vol quelconque. Puis, malheureusement, ben, la manière qu'ils pouvaient se rencontrer, c'est que Adam, en bas, lançait une corde à Éden, puis il la tirait jusqu'en bas pour forcer la gravité pour la descendre, puis il se cachait comme en dessous d'une roche pour pas qu'elle remonte dans son monde. Puis, en essayant de la ramener à son monde pendant que les autres étaient les pourchassés, il a échappé la corde parce qu'il s'est fait tirer dessus. Elle est tombée, elle a fait une chute de 10-15 pieds peut-être, puis elle s'est cognée la tête, puis elle sur le coup, lui pensait, Adam pensait qu'elle était morte, mais finalement, en écoutant la télé, il s'est rendu compte qu'elle était encore en vie, mais il se rend compte qu'elle a perdu la mémoire suite à cet accident-là, donc elle se souvient plus de lui. Puis, faut qu'il travaille en double. Puis c'est pas mal ça, tu sais, le gros de l'histoire, c'est vraiment là où est-ce que Adam va faire pour pouvoir communiquer avec elle, puis essayer d'y rappeler qui il est, puis... Ouais, c'est ça, c'est qu'il est pas toujours évident, là, il est de... malin stratège à essayer de pouvoir, lui, rester en haut. Ben oui. Parce qu'il faut qu'il... il faut qu'il trouve le moyen de contrer la gravité. Et que c'est pas évident. Mais là, il y a une espèce de matière... il appelle ça la matière inverse. Dans le fond, c'est une matière qui est de la gravité de l'autre monde. Donc, ça lui permet de comme balancer la gravité. Puis, je vais m'arrêter là pour essayer de vous garder un petit peu de punch. Un punch? Mais c'est comme je dis, c'est une histoire d'amour classique. Comme on a déjà vu maintes et maintes fois, là, comme je disais, là, Roméo et Juliette, Titanic, Pocahontas, là, tu sais, on voit qu'ils sont vraiment dans deux classes différentes puis qu'ils sont, en guillemets, pas nés pour être ensemble, mais finalement, l'amour est plus fort que tout. Là. C'est pas mal la morale de l'histoire. À la seule différence que c'est dans un monde de science-fiction, donc peut-être faut que... Tu vas aller chercher le petit côté gars, là. Peut-être, c'est ça. Le gars, il s'en mêle pas pendant... Ça va permettre, justement, peut-être d'avoir un balancement entre le gars et la fille. Donc, Upside Down, un monde à l'envers. Si vous aimez, pour les filles, les histoires d'amour, et les gars, la science-fiction, je vous le conseille. Pour les autres nouveautés DVD, une petite semaine, cette semaine, soit deux DVD du côté drame, le film « Trois mondes ». Et du côté télésérie, on avait « Les petits meurtres d'Agatha Christie ». Sinon, en fin de semaine, j'ai eu la chance d'assister au spectacle de Vincent Vallière, qui était au Festival Forestier de Sainte-Terre. Ça devait être bon! La musique était bonne. L'éclairage était... moyen? Je vais rester poli, je vais dire moyen. Non, mais c'est parce que il y avait comme trois rangées de spots en arrière des musiciens, puis juste une rangée face aux musiciens, qui était blanc. Puis il était très tamisé. Donc, même nous, on avait de la misère à voir les personnes qui étaient sur le stage. Ça s'est... À quelques occasions, ça s'est replacé. C'était un petit peu moins pire. On venait à bout de voir quelque chose. Là, je ne sais pas trop si c'était voulu ou pas. C'est ça. Parce que là, peut-être qu'ils voulaient... Ils aiment pas même ça qu'on prenne des photos. Mais moi, je pense que c'est plus pour les photos. Fait que là, ils tamisent un peu l'éclairage. Fait que si tu n'as pas un bon appareil, tu n'es pas capable d'avoir bonnes photos. OK. Ce qui était mon cas. Mais je suis pas plus ou moins content des photos que j'ai prises justement à cause de ça. Là. J'ai beau avoir un bon appareil, quand l'éclairage est pas bon, il est pas bon. Là. C'est ça. Mais non, sinon, c'est un show qui est à la hauteur de Vincent Vallière, là, autant avec ses balades que ses chansons un peu plus rythmées puis un peu plus pépées, si je pourrais dire. Le gars est pareil comme à ses chansons. Puis, on a eu le droit, je sais pas, ça doit pas être une petite primeur, parce qu'il doit l'avoir fait dans d'autres spectacles aussi avant, mais il nous a fait une chanson de son prochain album, qui devrait sortir, si tout va bien, à l'automne. Ah! Donc, on se souhaite. Les amateurs de Vincent Vallière, puis j'ai eu la chance de le rencontrer, parce que j'ai fait signer mes 5 albums. Il y avait d'autres personnes aussi qui le rencontraient. C'est un gars très, très, très sympathique, là. Si jamais vous avez la chance. Il est social, il est pas hautain, il est pas, tu sais, il est vraiment terre à terre puis friendly comme avec les. Comme toi pis moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était, en tout cas, si jamais vous avez la chance d'y retourner, le voir peut-être au courant de l'année prochaine avec son nouvel album, il va sûrement repartir en tournée puis revenir faire un tour par ici. Je vous conseille, puis sinon 5 albums à son actif. Quand même, hein, une bonne discographie déjà. En 15 ans, ouais. C'est quand même, ça, oui, c'est bon. Ben, pour ma part, je suis allée voir le spectacle des Porn Flakes le samedi à l'Expo Rotary d'Amos. Un spectacle excellent. Pour ma part, en tout cas, que j'ai trouvé, en fait, vraiment pas un million de covers, mais tu sais, je veux dire, il y avait de tout. Autant du québécois, du rock, du... En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai aimé d'un spectacle comme ça, c'est que tu tannes pas, c'est pas tout le temps la même affaire. Il y avait beaucoup d'artistes invités aussi, le chanteur des Respectables. Sébastien, j'oublie son nom de famille, mais il fait je pense, à toutes les fois, il fait la tournée avec eux autres. Là. Il y avait Loulou Yous. Oui. Il y avait Valérie Carpentier, de la voix. Puis il y en avait un autre, le petit avec la casquette, il a fait Star Academy, je crois. La voix aussi. Il a fait la voix? OK, ouais. Je n'étais pas sûr. Mais avec il était les gros favoris, là, j'ai un blanc de son nom. Oui, mais moi aussi, mais je sais qu'il était là aussi au Festival Forestier l'année passée à Sainte-Terre, il était là. Puis, petite surprise, du moins, en tout cas, moi, je l'ai su vendredi parce que je l'ai suivi sur Facebook, Polo, des Frères à cheval. Oui, lui aussi, il était là. Je l'oubliais. On l'a su comme à la dernière minute, c'était une petite surprise. J'en connais qui sont allés en partie à cause que Polo était là. C'est sûr. Écoute, en partant, il y a déjà une très bonne carrière en avant de lui. Oui. On s'entend-tu, là? Puis, en tout cas, pour ma part, j'ai super gros aimé ma soirée, puis... Non, on se trompe pas avec vraiment... les points de flic. Oui, vraiment, je savais pas trop, parce que j'avais pas été voir les autres shows, maintenant, c'était pas la première fois qu'ils venaient ici. Fait que je m'en allais comme devant rien, mais non, j'ai vraiment apprécié ma soirée. Si vous avez la chance... de retourner les voir. Ils viennent pas nécessairement souvent en région, mais non. Les Porn Flakes, là, c'est un show à pas manquer. C'est très, très énergique, puis c'est très... Il y a pas de temps mort entre les chansons. Là. Et, c'est, non, c'est ça! Puis c'est vraiment. Des chansons entraînantes. Là. Il y a pas... Donc... C'est ce qui conclut. C'est déjà tout pour cette semaine. Ça va vite? Oui! On vous dit au revoir et à la semaine prochaine! Bye-bye! Bonne semaine! Bye! Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.